الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va faire une traduction du texte d'un cheikh qui s'appelle Abu Abdurrahman Abdullah ibn Omar ibn Mar'i ibn Barik. Il dit, c'est un livre qui réfute la fatwa de Al-Qardawi, Yusuf Al-Qardawi, qui a permis de féliciter les koufars lors de leur célébration, c'est-à-dire quand ils ont des fêtes, que ce soit le jour de l'an ou par exemple quand c'est Noël et des fêtes des koufars. Lui, il dit que c'est permis de leur dire joyeuses fêtes ou de leur répondre quand ils te disent joyeux Noël, tu réponds, hein. Et Non, il permet de leur répondre, oui, correct. Donc, on va expliquer c'est quoi sa fatwa, puis la réponse à ce sujet-là. De toute façon, il y a une chose qu'il faut comprendre de toute façon en partant, c'est que Qardawi, c'est un Égyptien d'origine, et il est actuellement au Qatar. Il est très connu dans le monde musulman. Il était avec les Ikhwan Muslimin, le groupe là des Ikhwan Muslimin, puis après il a quitté le groupe, mais il reste toujours comme un des, disons, des personnages qui sont les plus respectés par ces gens, par les Ikhwan. Et il fait des fatwas pour eux, puis tout ça. Donc, il fait des fatwas comme ça tout le temps. C'est-à-dire, il y a des fatwas pour dire que la musique c'est halal, il a des fatwas pour dire que tu peux prendre du riba, il a des fatwas pour dire que les chrétiens, les juifs, c'est pas des koufars. Il a des fatwas des plus étranges comme ça. Donc, il ne faut pas s'étonner de cette fatwa-là en particulier, parce que c'est juste une parmi d'autres. Hein. Il y en a des ulamas qui ont noté jusqu'à une centaine de fatwas, toutes pires l'une que les autres, de la part de Qardawi. Lorsque, par exemple, le pape est mort, il a fait une émission spéciale sur le pape, et il a souhaité la miséricorde sur lui, puis il a parlé de son grand travail qu'il a fait pour sa foi, puis sa religion, en parlant de lui, en le glorifiant. Donc c'est un exemple un petit peu de la tendance de cet homme. Hein. Donc il est aqlani, c'est un homme qui passe sa raison au devant des textes du Coran et de la Sunna, il est connu pour ça, d'accord. Et il y a beaucoup de musulmans malheureusement qui sont influencés par lui, puis affecté par lui. Puis les koufars actuellement dans le monde, ils essaient de jouer un jeu pour essayer de, disons, contrôler les tendances des musulmans. Dans quel sens? C'est qu'ils essaient de mettre de l'avant les personnes qui transmettent ou qui prêchent des idées qui correspondent à leurs valeurs ou à leurs intérêts. Et ils les mettent de l'avant pour les musulmans, pour dire aux musulmans c'est de ces gens-là que vous devez apprendre votre islam, et c'est ça l'islam qui est correct, celui qu'on accepte nous. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Les juifs et les chrétiens ne sont jamais satisfaits de toi tant que tu n'as pas suivi leur religion. Et donc c'est un exemple de ce style de manhaj que celui-là il suit. Donc il commence le cheikh en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim muqaddima. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرون منهم على ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. Donc le cheikh il commence par une introduction qu'on retrouve dans l'introduction du livre de l'imam Ahmad Ar-Rad ala al-Jahmiya, et il dit que la louange soit à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a fait que entre chaque période dans laquelle il y a eu des messagers, il y a toujours quelques hommes de science, des savants, qui appellent ceux qui se sont égarés à la guidance et qui endurent la difficulté qui vient avec. Et ils font revivre les morts, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'ils font revivre les morts, mais ils font revivre le cœur de ceux qui sont morts, hein, par la foi. Et ils les font voir par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens ceux qui ont été aveuglés dans l'ignorance également, eh bien, ils leur font voir par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la lumière de la révélation du Coran et de la Sunna. Combien de personnes qui ont été tirées ou tuées par Iblis et ils les ont fait revivre par la guidance, et combien d'égarés ils ont réussi à les faire revenir au droit chemin. Et comment ils ont un bon impact et des bons effets sur les gens, tandis que les gens leur renvoient toujours un effet ou des... ça dit, les gens ont une mauvaise réaction envers eux, souvent. Et il mentionne le verset de Sourate An-Nahl, le verset 36-37, qui dit « Nous avons suscité dans chaque nation un messager pour dire aux gens, adorez Allah et écartez-vous du tarout. » Et le tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, parmi les hommes, il y en a qui ont été guidés et d'autres qui ont, contre qui l'égarement s'est concrétisé. Et donc, ils se sont égarés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, alors, partez sur la terre, hein, et regardez quelle a été la conséquence ou la conclusion des peuples qui ont traité les messagers de mensonges, hein, ceux qui ont traité les messagers de menteurs. Regardez qu'est-ce qui leur est arrivé, et vous voyez que vous pouvez prendre une leçon de ça. Et après, il dit, intahris ala hudahum. Si tu essaies de faire un effort et de vouloir vraiment qu'il soit guidé, sache que Allah ne guide pas celui qui l'a égaré, et ils n'auront pas de secoureur. Après, il dit yunfuna an kitabillahi tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin. C'est-à-dire que tout ce que les gens d'égarement ont déformé du livre d'Allah, eux, ils le corrigent et ils le renient. Et également, qu'est-ce que les gens ont essayé de déformer ou changer de la religion, eux, ils le ramènent dans sa forme, dans sa forme pure et dans sa forme originale. Donc, il dit, wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi, على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم خير من دعا إلى الهدى ورد الباطل والردى والردى القائل يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. حديث حسن ذكره الخطيب في شرف أصحاب الحديث. Donc, il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur d'entre ceux qui ont appelé à la guidance. Et il a dit donc que la paix et le salut soient sur lui, et sur ses fidèles et ses compagnons. Et il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que il y aura toujours des gens qui vont transmettre cette science, hein, des gens qui sont fiables et qui vont corriger les déviations, les déformations et les erreurs des gens qui ont été égarés ou qui ont été ignorants et qui ont amené des choses dans la religion qui n'en faisaient pas partie. هؤلاء الغالين والمبطلين والجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة وهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب ومجمعون على مفارقة الكتاب ويقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم ويتكلمون بالمتشابه من الكلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن الضالين المضلين. Il dit que ces gens-là qui sont déviés parmi les égarés, les ignorants, hein, et les gens qui ont exagéré dans la religion, ils versent toujours leur bid'a et leur fitna sur les gens. Donc, comme ils ont été décrits par les ulama, ils sont en contradiction avec le livre, hein, et mukhalifuna lil kitab, ils sont tous en désaccord au sujet du livre. Tous les groupes, tous ces gens-là, sont tous l'un et l'autre sont tous en contradiction avec le livre. Et ils ont tous contredit le livre. Hein, ils sont tous en contradiction avec le livre. Et entre eux, ils sont en contradiction au sujet du livre. Mais ils sont tous réunis sur le fait de se détacher ou s'éloigner du livre. Tu comprends? Ils parlent à propos d'Allah et à propos du livre d'Allah sans aucune connaissance. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yatakallamuna bil mutashabih min al kalam. Ils disent des choses qui sont ambiguës et pas claires à propos de la religion. Et ils essaient de tromper les ignorants. Parmi les gens, et il leur lance toutes sortes de shubuhat. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre les fitan des gens qui sont égarés parmi ces gens-là qui égarent les gens. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit vrai lorsqu'il a dit que Allah سبحانه وتعالى n'enlève pas la science en l'arrachant des gens, mais plutôt en l'enlevant, en faisant mourir les ulama. Il n'enlève pas la science en la faisant sortir des poitrines ou des cœurs des hommes, mais il prend la science par la mort des ulama, quand il fait mourir les ulama, jusqu'à ce qu'il ne restera plus aucun savant. Hein, alors les gens vont prendre des ignorants comme leurs responsables et comme leurs chefs, et ils vont donc émettre des fatawas et des verdicts religieux sans connaissance, et donc ils vont s'égarer eux-mêmes et ils vont égarer les autres à cause de ces fatawas qui sont basés sur l'ignorance. Donc le cheikh ensuite il dit ومن هؤلاء الذين أضلوا الناس يوسف القرضاوي الذي كثرت فتاواه المخالفة لنصوص الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة وتتابعت آراؤه العقلانية وانتشرت مواقفه بما يخدم أعداء المسلمين ويذهب جمال وصفاء هذا الدين ومن تلك الضلالات فتوى له يجيز له فيها تهنية الكفار من اليهود والنصارى في أعيادهم وذلك حين أجاب عن سؤال نصه ما هي حدود التعامل مع النصارى وما حكم تهنيتهم في أعيادهم فأجاب بكل جرأة ومعارضا لنصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وكلام أهل العلم المتواتر من أهل التفسير والحديث والفقه فلا حياء من الله ولا من خلقه فيقول ولذلك لا مانع من تهنيتهم بأعيادهم بل يستدل على ذلك كذبا وزورا يراجع فتواه في موقع إسلام أونلاين. خلاص. Donc le cheikh il dit que parmi les gens qui ont égaré parmi ceux qui ont égaré les gens, il y a Yusuf al-Qardawi. Celui qui a un grand nombre de fatawas qui sont contraires au texte du Coran et de la Sunna, et contraires à la compréhension des salafs de cette Ummah. Et toutes ces fatwas qu'il a fait qui sont fausses, elles se suivent toutes une à la suite de l'autre, hein, et elles sont répandues, hein, ces positions qui sont en contradiction avec la religion sont répandues, et souvent ce sont des positions par lesquelles il rend service aux ennemis de l'islam, hein, et il élimine la beauté et la pureté de cette religion par ses fatwas. Et parmi les formes d'égarement qui sortent de ces fatwas, il y a le fait qu'il rend halal ou qu'il permet de souhaiter ou de féliciter ou de souhaiter bonne fête aux kuffars parmi les juifs et les chrétiens lors de leur célébration. Et ça, c'est lorsqu'il a répondu à une question qu'on lui a posée, quelles sont les limites dans les façons d'agir envers les chrétiens. Et quel est le verdict au sujet de leur souhaiter bonne fête ou de les féliciter lors de leur fête? Alors, il a répondu avec avec un affront qui est une de ses caractéristiques, c'est qu'il n'a pas de honte, yani, quand il répond dans les fatwas qui sont en opposition avec le Coran et la Sunna, il le fait sans aucune gêne et aucune honte, et il répond en opposition avec les textes du Coran et de la Sunna et des paroles des salafs de la Ummah et des paroles des ulama de l'islam qui sont rapportées et mentionnées en grand nombre dans les livres de tafsir et de hadith et de fiqh. Donc il répond sans aucune gêne d'Allah subhanahu wa ta'ala et aucune gêne par rapport aux gens que c'est permis de faire ça et il n'y a rien qui empêche de leur souhaiter bonne fête ou de répondre à leur souhait lorsqu'ils souhaitent des bonnes fêtes aux musulmans. Et il utilise même, ou il essaie même d'utiliser des preuves pour justifier sa position, c'est-à-dire il essaie même de ramener des arguments du Coran et de la Sunna pour essayer de justifier ses positions, mais c'est bien entendu, comme le cheikh dit, « kaziban wazouran », c'est-à-dire en mentant et en inventant des mensonges contre la vérité, oui. Après, on va peut-être arriver là, inshallah. Sinon, je te répondrai après. Le cheikh dit, فَلُنَبِّهْ أَوَّلًا أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَسْتَسْلِمْ لِدِينِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ الَّذِي أَنْزَلَهُ إِلَى خَلْقِهِ وَأَمَرَهُمْ بِهِ وَلَا يُقْبَلْ مِنْهُمْ سِوَاهُ وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ والإسلام هو كل ما دعي الناس إليه مما في كتاب الله من في كتاب ربنا وما في صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة الصالحين كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكما قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا عقيدة إلا عقيدة الإسلام ولا عبادة إلا عبادة الإسلام ولا منهج إلا منهج الإسلام ولا خلق إلا خلق الإسلام فلا يجوز لمسلم بعد ذلك المعارضة بعاطفة أو عقل أو ذوق أو رأي بل الواجب الاستسلام التام كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولا نكون من المنافقين الذين من خلقهم الإعراض عن دين الله كما قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا دونك الشيخ الذي c'est obligatoire aux musulmans de se soumettre à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la religion qu'il a envoyée à sa création, et il leur a ordonné de la suivre, et il n'acceptera d'eux aucune autre religion que la religion de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Imran, verset 85, « Et quiconque cherche autre que l'islam comme religion, elle ne sera pas acceptée de lui, et il sera parmi les perdants dans l'au-delà. » Et l'islam, c'est tout ce que Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et l'islam, c'est tout ce que, c'est tout ce qui est dans le Coran et dans la Sunna auquel les gens ont été appelés. Hein, tout ce que les gens ont été appelés de suivre dans le Coran et dans la Sunna. Et selon la compréhension des salafs de cette Ummah, parmi les salafs salih. Et il mentionne des références à ce sujet-là, comme le verset 3 dans Surat al-A'raf, suivez ce qui a été révélé sur vous de votre Seigneur et ne suivez pas aucun allié en dehors de lui. Comme il se souvient peu. Et après, il mentionne le verset 137 dans Surat al-Baqarah, et s'ils croient en ce que vous avez cru, alors ils ont été guidés. Mais s'ils se détournent, alors sache qu'ils ont فإنما هم في شقاق. Et donc c'est pour montrer qu'il ne faut pas se détourner et que s'ils ont cru en la même chose que les salafs ont cru et que les premiers musulmans ont cru, alors ils seront bien guidés. Donc on doit croire en la même chose que ceux qui ont cru avant nous pour être bien guidés. Après il dit dans le verset 3 dans Sourate Al-Ma'ida, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parfait pour vous mon bienfait sur vous et j'ai agréé comme religion pour vous l'islam. Donc il n'y a pas d'aqida excepté la aqida de l'islam, il n'y a pas d'adoration excepté l'adoration qui est ordonnée dans l'islam, et il n'y a pas de voie à suivre excepté la voie de l'islam, et il n'y a pas de comportement à suivre excepté le comportement qui est enseigné par l'islam. Et il n'est pas permis pour un musulman par la suite d'opposer cette religion, ou quoi que ce soit qui vient dans cette religion, par ses sentiments, par sa raison, par ses goûts, par son opinion. Hein, l'obligation pour le musulman, c'est de se soumettre d'une façon totale et complète à ce qui est révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Non, par ton Seigneur, ils ne sont pas croyants, jusqu'à ce qu'il t'ait pris toi comme juge dans tout ce qu'il y a comme désaccord entre eux, et qu'ils n'aient trouvé en eux-mêmes aucune difficulté, aucun problème à accepter ce que tu auras décrété comme jugement, et qu'ils se soumettent en complète et en totale soumission. Le verset 65 dans Surat al-Nisa. Et qu'on ne soit pas parmi les munafiqines, ceux qui ont parmi leurs caractéristiques, parmi les caractéristiques des hypocrites, c'est qu'ils se détournent hein, de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala quand on les informe d'une chose de la religion, comme le verset 61 dans Surat al-Nisa. Et lorsqu'on leur dit venez vers Allah et venez vers ce que Allah a révélé et aux messagers, tu vois les hypocrites qui se détournent de toi. وننبه ثانيا بأنه لا يجوز لمسلم معارضة الشرع بعقله ورأيه فإنه سبب لفساد الدين والدنيا. قال ابن القيم رحمه الله وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي ومن أعظم معصية العقل إعراضه عن كتاب الله ووحيه الذي هدى به رسله عن كتاب الله ووحيه الذي هدى به رسله والمعارضة بينه وبين كلام غيره فأي فساد أعظم من فساد هذا العقل. Ok, le cheikh il dit ici que c'est très important deuxièmement de prendre en considération qu'il n'est pas permis pour un musulman d'opposer la révélation et la législation de la charia par sa raison ou par ses opinions. Hein? Parce que ça, si tu fais ça, tu vas détruire la religion complètement et en même temps tu détruis même la vie dans la dunya. Comme le cheikh Ibn Qayyim il le dit, n'importe quelle personne qui a un minimum de raison et de science, hein, il va savoir que la corruption et le désordre dans le monde hein, vient du fait qu'on place notre opinion personnelle devant la révélation. Et ça, c'est un des plus grands péchés de la raison, de se détourner du livre d'Allah, de la révélation par laquelle il a guidé ses messagers, et de s'opposer entre Allah subhanahu wa ta'ala, والمعارضة بينه وبين كلام غيره، فده يتوبوز، de mettre en opposition la parole d'Allah et la parole d'autres que la parole d'Allah, c'est-à-dire la parole des autres, des êtres humains ou des autres personnes en dehors de celles qui, en dehors des commandements d'Allah. Donc on ne doit pas, alaykoum salam Allah, on ne doit pas mettre en opposition la parole d'Allah et la parole de ses créateurs ou de quiconque, hein, excepté bien entendu le prophète, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa parole n'est pas en opposition avec la parole d'Allah puisque c'est une révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quel est le plus grand désordre que le désordre de la raison quand il essaie de se placer devant la révélation? وعن ابن عباس رضي الله عنه إنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن قال بعد ذلك برأيه فلا ندري أفي حسناته يجد ذلك أم في سيئاته. ومن هؤلاء الذين يعارضون الدين بالعقل القرداوي وشيوخه فهي سلسلة من مشايخ أهل الرأي. طيب إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ما شاء الله. نعم. فيقول فهي سلسلة من مشايخ أهل الرأي والبدعة ينقل بعضهم عن بعض من ذلك إعراضه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار رواه مسلم عن أنس. قال القرضاوي بعده في كتابه كيف نتعامل مع السنة الله المستعان إذ ما ذنب عبد الله ابن عبد المطلب حتى يكون في النار. وقال عنده ما ذنب أبي الرجل السائل. والظاهر أن أباه مات قبل الإسلام ولهذا توقفت في الحديث حتى يظهر لي شيء يشفي الصدر. أما شيخنا الشيخ محمد الغزالي فقد رفض الحديث صراحة. فانظر رحمك الله إلى هذه العقيدة الصوفية والطريقة البدعية فقد جعل العقل هو الأصل فما قبله فهو مقبول وما لم يقبله فهو مردود ولا يخفى على مسلم فساد هذا القول. ورضي الله عن علي إذ يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. سبحان الله. Donc le cheikh il dit que Abdullah ibn Abbas a dit que tu dis du livre d'Allah, il dit c'est seulement le livre d'Allah et la sunna du messager. Celui après ça qui dit de son opinion, alors on ne sait pas est-ce que c'est dans ses hasanat ou est-ce que c'est dans ses péchés, dans ses sayyiat. Hein, c'est-à-dire là-bas c'est le kitab et la sunna. Le reste, tu sais pas si c'est bon ou pas bon. Après il dit, donc celui qui essaie parmi les gens d'opposer la religion, hein, parmi les gens qui essaient d'opposer la religion et sa raison avec sa raison, hein, ceux qui opposent la religion de l'islam par leur raison, comme Al-Qardawi et ses chouyours, ils sont une chaîne de chouyours qui essaient toujours de suivre leurs opinions et qui répandent la bid'ah. Et ils se la transmettent l'un l'autre, et c'est pour ça que par exemple, ils se détournent du hadith authentique rapporté par l'imam muslim selon Anas ibn Malik, qui a dit à, lorsqu'un homme est venu lui demander où est mon père, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ton père est dans l'enfer, Abu Kafinnar. Après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé, il a dit reviens, il est revenu, il lui a dit Abi wa abuka fi an-nar. Il a dit mon père et ton père ils sont dans l'enfer. Pour que l'homme il comprenne que c'est pas une question de sentiment. C'est pas une question de sentiment, c'est une question, c'est la vérité. Tu vois? Même mon père, il dit ton père est dans l'enfer. Même mon père à moi il est dans l'enfer aussi. Il n'y a pas de sentiment là-dedans. Après, Qardawi, qu'est-ce qu'il dit de ce hadith? Qardawi, il a un livre qu'il a écrit qui s'appelle Comment on doit agir avec la sunna. Eh ben, ça, c'est tout à fait, quand tu lis ce livre-là, dis-toi que tu dois faire le contraire de ce qu'il dit parce que il oppose complètement la sunna. Il dit dans ce livre-là, il dit, c'est quoi le péché du père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il soit dans l'enfer? Ma dhanbu Abdullah ibn Abd al-Muttalib. C'est quoi le péché du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit dans l'enfer? C'est comme ça qu'il juge. Il juge le hadith avec sa raison. Tu vois? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est dans le feu, et c'est authentique, et lui il dit, c'est quoi le péché de son père pour qu'il soit dans l'enfer? Ouais, imagine. Et après, il continue ensuite, et il dit, et c'est quoi le péché du père de l'autre homme qui demande? Hein? Il dit que, en apparence, quand on regarde, on dirait qu'il est mort avant l'islam. Il dit, c'est pour ça que moi je me suis arrêté à propos de ce hadith-là. C'est-à-dire, j'y crois pas, Yanni. C'est-à-dire, il dit pas j'y crois pas, mais, tawakaf, ça veut dire, je m'arrête devant ce hadith-là, je prends pas de position. C'est-à-dire, je dis pas qu'il est faux, je dis pas qu'il est vrai. Tu comprends? Je m'arrête devant ce hadith. Parce qu'il dit que, il dit, je m'arrête devant ce hadith jusqu'à ce que je trouve ce qui, apaise mon cœur. Hein? Parce que, il n'est pas convaincu par ce hadith. Et après, il dit, en ce qui concerne notre cheikh, c'est-à-dire son cheikh, Mohamed al-Ghazali, lui, il a complètement rejeté ce hadith-là, directement, clairement, explicitement. Il a dit, non, je ne crois pas en ce hadith. Ça, c'est une école que ces gens-là suivent, qui s'appelle l'aqlaniya. C'est-à-dire des gens qui utilisent leur raison et qui se basent sur la raison pour juger la religion. Qu'est-ce que leur raison accepte? Ils l'acceptent. Et qu'est-ce que leur raison rejette? Ils rejettent. Donc le cheikh il dit, regardez qu'Allah te fasse miséricorde, regarde. Ça c'est une aqida des soufis. Ils croient pas, les soufis ils croient pas que le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam est en enfer. Ils croient pas qu'Abu Talib est en enfer. Ils croient pas non plus que la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam est en enfer. Donc ces gens-là, ils ont leur propre aqida, ils rejettent les hadiths authentiques avec leur raison, et ils inventent des histoires aussi pour nier les choses vraies. Donc les hadiths daïfs, ils les acceptent, et les hadiths sahih, quand c'est pas selon leur passion, ils les rejettent. Mais le hadith, quand il est daïf, si c'est en accord avec ses désirs, ils l'acceptent. Le hadith qui est faible, qui est en accord avec ses désirs, ils l'acceptent. Mais le hadith qui est authentique, qui est contraire à ses désirs, ils le rejettent. Donc ça c'est leur manhaj. Tu vois? Et là, ça c'est très dangereux en réalité, parce que c'est la base de l'égarement. Il dit, وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فَتْوَى الْقَرْضَاوِ الزَّائِرَةِ. Hein? Il mentionne avant ça la parole de Ali ibn Abi Talib, qui une parole qui lui est attribuée, qui dit, si la religion était basée sur la raison, on ne devait pas, quand on fait le masque sur les bas, on aurait lavé en dessous, on n'aurait pas lavé le dessus, on aurait lavé en dessous, on n'aurait pas passé, mais, par-dessus le bas, mais en dessous du bas, parce que c'est en dessous que c'est sale. Hein? Mais la religion, c'est pas avec la raison. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il a dit par la suite, le cheikh, il dit? Il dit que, ومن هذا القبيل فتوى القرضاوي الزائرة في جواز تهنئة الكفار في أعيادهم معرضا وغير مبال بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وكلام أهل العلم المتواتر من أهل التفسير والحديث والفقه كما ما كان إجماعا لا يجوز الخروج عنه ومخالفته فمن أدلة الكتاب الكثيرة قول الله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما عن عبد الله بن عباس ومجاهد والربيع بن أنس وعكرمة والضحاك قالوا هو أعياد المشركين رواه الخلال في جامعه ونحوه ابن جرير والقرطبي في تفسيرهما وأبو الشيخ الأصفهاني وعن عمرو ابن مرة لا يشهدون الزور قال لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم ونحوه عن عطاء ابن يسار والتهنئة من الممالة. Donc il dit ici que cette fatwa qu'il a fait à propos du fait de que c'est permis de souhaiter bonne fête aux mushrikins et aux kuffars, aux juifs et aux chrétiens, il dit ça fait partie de ces genres de fatwa déviées. Hein, et qui est en contradiction avec les preuves nombreuses du Coran et de la Sunna et des paroles des salafs de notre Ummah. parmi les savants de l'islam qui sont rapportés en un immense, hein, un grand nombre de paroles, yani des ulama de l'islam, parmi les savants de tafsir et les savants de hadith et les savants de fiqh. Et c'est tellement nombreux que on peut dire que c'est un consensus et c'est pas permis d'en sortir, hein, et de le contredire. Il dit parmi les preuves, il y a le verset dans Sourate 72, dans Sourate Furqan, qui dit « Et ceux qui ne témoignent pas du zour, zour c'est tout ce qui est faux, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est contraire à l'islam et à la vérité. Hein? » Et وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Et lorsqu'ils passent près des futilités, des choses bêtes et des choses mauvaises, ils marchent avec une marche noble. Hein, ils passent à côté de ces choses-là sans s'en intéresser. Et c'est rapporté selon Ibn Abbas et son élève Mujahid, et selon Rabi' ibn Anas et Ikrima et Dahak, qui sont les imams du tafsir. Ils ont tous dit que ce sont les fêtes des mouchriquins. Et c'est rapporté par Al-Khalal dans son Jami'. Et aussi c'est rapporté par Ibn Jarir et Al-Qurtubi dans leur tafsir. Et Abu Sheikh al-Asfahani, et également selon Amr ibn Murra, ils ont dit que lorsque Allah dit il ne témoigne pas du zour, ça veut dire il n'essaie pas de faire plaisir aux gens du shirk et de pencher vers les gens du shirk lorsqu'ils font leur shirk et ils ne se mélangent pas avec eux. Hein, donc ça a été rapporté par ces imams-là et aussi par selon Atta ibn Yassar et Al-Tahniha min al-Mumala'a. Et le fait de souhaiter bonne fête aux kuffar, ça fait partie d'essayer de pencher vers eux puis d'avoir de la sympathie pour eux, pour leur shirk. ومن السنة الكثيرة ما رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر وقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم كل الأعياد إلا هذين العيدين فكيف يهنى الكفار في أعياد باطلة. Donc il mentionne qu'est-ce qui a été rapporté dans plusieurs exemples dans la Sunna, comme qu'est-ce qui a été rapporté selon Abu Dawood et d'autres, avec une isnad qui est Hassan selon Anas radiallahu anhu, hein, que des gens sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et il disait qu'ils avaient deux jours dans lesquels ils s'amusaient et ils faisaient des fêtes dans ces deux jours-là. Il disait que dans la Jahiliya, ils avaient ces deux fêtes-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant « Allah vous a échangé ces deux jours-là par deux jours qui sont meilleurs qu'eux. » Par deux jours qui sont meilleurs qu'eux. Le jour de Al-Adha et le jour de Al-Fitr, c'est-à-dire les deux fêtes des musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc annulé et déclaré vaine toute autre fête et célébration en dehors de ces deux fêtes-là. Donc comment on pourrait souhaiter bonne fête aux kuffars alors que leurs fêtes sont vaines et nulles, ne sont pas acceptées. Voilà, min kalam al-salaf, hein, parce que yani, souvent qu'est-ce qu'il fait quand il fait des fatwas, on va y venir à ça peut-être, il mentionne certaines preuves générales. Et il laisse de côté tous les détails de la question. Et c'est une méthode vraiment, comment je pourrais dire, malhonnête. Hein? C'est ça, c'est comme le mutashabih, ils suivent le mutashabih. Hein? Qu'est-ce qui est ambigu et qu'est-ce qui n'est pas précis, qu'est-ce qui n'est pas clair. Et le problème, c'est que les gens prennent ce gars-là comme une référence par la suite. Donc, ils vont entendre parler, puis, étant donné que lui, il utilise sa raison, les gens, ils l'entendent, ils disent « Ah oui, c'est vrai, c'est bien, ça, il a raison. » Mais ils ne regardent pas les preuves qu'ils sont en train de rejeter en disant ça. Donc, c'est grave. Après, il dit « Wa min kalam al-salaf ma sabaqa min tafsir al-aya wa fi kitab Omar radiallahu anhu ila ahli al-zimma al-lazina تلقته الأمة بالقبول فهو إجماع المسلمين الأولين والآخرين وهو قول الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين وفيه نهي أهل الذمة عن إظهار شيء من أعيادهم وانظر إلى تعليق شرح الإمام ابن القيم رحمه الله له في كتاب في كتابه أحكام أهل الذمة. Le cheikh il dit que également parmi les paroles des salafs, qu'est-ce qu'on a mentionné au sujet du verset qu'on a expliqué tout à l'heure, il y a également dans le livre ou dans la lettre que Omar ibn al-Khattab a écrit aux gens de Zimma, Ahl Zimma, qui étaient en Syrie, hein, quand on a conquis la Syrie, les musulmans ont pris le contrôle de la Syrie et ils ont fait une entente ou un pacte avec les chrétiens qui étaient là-bas, qui étaient restés chrétiens, qu'ils devaient être, c'est-à-dire sous le règne des musulmans, ils décident de payer la jizya et de ne pas se convertir à l'islam. Donc ils payent la jizya puis ils restent chrétiens. Toutefois, ils avaient des règles à respecter qui ont été établies par Omar ibn al-Khattab, bien entendu, toujours en accord avec les règles du Coran et de la Sunna. Et parmi les conditions qu'ils ont reçues, et cette lettre que Omar a écrite, elle a été acceptée par la Umma, et il y a un consensus au sujet de cette lettre de Omar ibn al-Khattab, et au sujet des conditions qui sont mentionnées à ce sujet-là. Et parmi les conditions, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'extérioriser et de montrer leur célébration dans les pays musulmans. Quand c'est leur fête, ils doivent fêter chez eux à l'intérieur de la maison, mais pas faire des décorations dehors ou montrer dehors que à l'extérieur que c'est leur fête. Et c'est pour ça que les chrétiens et les juifs aujourd'hui, ils dénoncent l'islam et ils sont contre l'islam parce qu'ils disent, vous les musulmans, on vous laisse ici en Occident pratiquer votre religion, puis manifester vos fêtes et tout, mais vous, dans les pays musulmans, vous n'acceptez pas que les chrétiens et les juifs fassent la même chose. Et nous, on leur répond, on dit, ça c'est pas donnant-donnant. C'est-à-dire, c'est pas, vous nous laissez et nous, on vous laisse. Comme s'ils disent, ah mais pourquoi à la Mecque et en Arabie Saoudite, on peut pas avoir des églises, hein? Nous, on vous laisse construire des mosquées, pourquoi vous nous laissez pas construire des églises? Parce que c'est pas donnant-donnant, ok? C'est une question que vous avez comme vos principes et vos fondements qui enseignent aux gens que tout est libre, et tout le monde a la liberté, et tout le monde peut croire en qu'est-ce qu'il veut. Et vous nous avez dit qu'on avait le droit de le faire, donc on le fait. Mais si vous nous dites, on n'a pas le droit de le faire, et on va s'en aller, c'est tout, on va pas le faire. Mais vous venez chez nous et vous savez d'avance que vous pouvez pas le faire. Et on ne contredit pas nos principes, parce que vous le savez déjà, et ça ne fait pas partie de nos valeurs. Donc, ça c'est des exemples de choubha que ces gens-là jettent. Et nous on dit donc que dans les règles d'Ahl al-Zimma, eux ils dénoncent maintenant Ahl al-Zimma. Ils disent pourquoi vous nous appelez Ahl al-Zimma, tu vois. Et il y a même des sites dans l'internet qui s'appellent Zimmi Watch. Zimmi Watch. C'est des groupes de chrétiens et d'autres, des laïcs et des activistes pour les droits humains, soi-disant, qui observent tout ce qui se passe dans les pays musulmans ou pour les minorités qui sont pas musulmanes dans les pays musulmans, puis ils le mettent dans leur site, comme toutes les nouvelles qui sont mentionnées dans les journaux à propos des minorités non musulmanes dans les pays musulmans, ils le mettent pour essayer de regarder qu'est-ce qu'ils font les musulmans et tout ça. Il y a une série de sites comme ça de différents groupes qui font des trucs pareils. Donc il y a un des groupes de Ikhwan, parmi les Ikhwan musulmans, qui font la même chose avec les chrétiens. Et tous les événements qu'ils trouvent, des choses qu'il y a des injustices envers les musulmans dans les pays occidentaux, eh ben eux ils le prennent et le mettent dans leur site. Et là tout ce qui là ils passent leur temps à vérifier tout ce qui se passe dans les journaux, dans la télévision, les nouvelles et tout. Donc c'est une perte de temps inutile de faire ça de toute façon, hein. Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite le cheikh? Il dit que donc parmi les conditions, c'est qu'ils ne devaient pas exposer leur religion. Et celui qui veut savoir les détails de ces conditions-là, les conditions de Omar, il peut retourner au tafsir ibn Kathir dans l'explication du verset dans Surah Tawbah, je pense que c'est le verset 29, 28 ou 29. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا نعم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Regardez sur l'explication de ce verset-là, et dans le tafsir d'Ibn Kathir, les conditions de Omar sont toutes mentionnées. Ok? Et parmi les Surat Tawbah, oui. C'est le chapitre 9 dans le Coran. Et parmi les conditions, c'est que par exemple, ils ne doivent pas s'habiller comme les musulmans, ils ne doivent pas monter, s'ils montaient un cheval, ils ne devaient pas monter un cheval de la même façon que les musulmans. En fait, même ils devaient monter un âne, et s'ils montaient un âne, ils ne peuvent pas s'asseoir sur l'âne de la même façon qu'un musulman. Ils doivent mettre les deux pieds d'un seul côté, ils ne peuvent pas s'asseoir en chevauchant. Ils doivent porter des vêtements distingués, j'ai dit. Ils doivent aussi, par exemple, si leur église s'est détruite, ou elle est usée, ils n'ont pas le droit de la rénover. Et si elle est détruite, ils n'ont pas le droit de la reconstruire. En tout cas, plein de conditions comme ça qui ont été mises. Et le but de ces conditions-là, c'est pour leur faire comprendre qu'ils sont humiliés à cause de leur mécréance. Et que s'ils veulent avoir l'honneur, ils ont juste à accepter l'islam. Voilà. Donc, bien entendu, pour eux, ça, c'est pas humain, c'est pas en accord avec les droits de l'homme, c'est pas en accord avec ci ou avec ça, mais de toute façon, ça fait partie de notre religion, et c'est des choses qu'on peut pas changer parce que c'est une ijma, il y a un consensus des sahaba à ce sujet-là. Exactement, c'est comme une punition dans cette dunya, avant la punition de l'au-delà. Et il y a aussi une autre référence, si vous voulez savoir les détails de ces conditions de Omar, Ibn al-Qayyim al-Jawziya, il a écrit un livre qui s'appelle « Ahkam al-Zimma », c'est-à-dire les règles qui concernent les gens de Zimma, et c'est une explication des règles de Omar ibn al-Khattab, et il a expliqué ce point-là en détail. Après, il dit, وعن عمر رضي الله عنه قال اجتنبوا اعداء الله في عيدهم. Il a dit, éloignez-vous des ennemis d'Allah lors de leur fête. Lors de leur fête. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, والله عدو للكافرين. Allah subhanahu wa ta'ala est l'ennemi des non-croyants. Donc, ils sont les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est que, parce que pour aller chez moi, je traverse le quartier des Juifs, et à Outremont. Et eux, le premier du jour de l'an, puis Noël et tout ça, eux, ils ont de l'école, leurs enfants, ces jours-là. Ils n'ont pas congé. Hein? Donc c'est juste pour vous dire, les écoles musulmanes, les jours de Noël, les jours de l'an, ils sont fermés, leurs écoles. On n'a pas le droit de fermer nos écoles les jours des fêtes des koufars. Hein, mais les musulmans d'ici, malheureusement, que Allah les guide, on dirait qu'ils n'ont pas conscience de ça, ils n'ont pas compris ça. Eux, ils ne fêtent pas leurs écoles quand c'est nos fêtes. Alors pourquoi nous on ferme nos écoles quand c'est leurs fêtes? Ils vont dire, ah, mais parce qu'on est dans leur pays, etc. Mais ça n'a rien à voir. Si tu peux le faire, si t'as le droit de le faire, fais-le. Hein? Ils doivent prendre en compte. Pourquoi les Juifs le font? Pourquoi nous on peut pas le faire? Hein? Donc en tout cas, ça c'est un point à prendre en considération pour l'avenir, inshallah. Et il dit, tenez-vous, ça c'est rapporté par Al-Bayhaqi. Babun karahat al-dukhul 'ala ahli al-zimma fi kana'isihim wa at-tashabbuh bihim yawma nayruzihim ومهرجانهم بإسناده عن البخاري صاحب الصحيح يصل به إلى عمر رضي الله عنه. والنيروز عيد القبط في مصر، وهو أول يوم من السنة القبطية، ويسمى بيوم شم النميس. شم النميس. فإذا أمرنا باجتناب أعيادهم ومنعوا من إقامة أعيادهم فكيف يجوز تهنيتهم؟ donc le cheikh il dit que c'est rapporté selon Omar ibn al-Khattab qu'il a dit de s'écarter des ennemis d'Allah lorsqu'ils font leur fête. C'est rapporté par Al-Bayhaqi le chapitre « Il est détestable d'entrer chez les gens de Ahl-Zimma dans leurs églises ou de leur rassembler le jour de leur Neyrouz et de leur Mahrajan, quand ils font leur fête et leur célébration. » Et ça c'est rapporté avec une isnad selon Al-Bukhari qui a écrit le Sahih, et c'est ramené jusqu'à Omar ibn al-Khattab. Et Al-Neyrouz c'est quoi? C'est la fête des chrétiens de l'Égypte. Ils célébraient le premier jour de l'année copte. Okay? Et c'est un jour qu'ils appellent Shum Namis. Shum Namis. Donc, il dit, donc, même Neyrouz, le premier de l'an des coptes, on a été interdit de le célébrer. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour ceux qui veulent dire qu'on a le droit de les saluer ou de leur souhaiter bonne fête ce jour-là? C'est comme il dit ici, si on a été ordonné de s'écarter d'eux lorsqu'ils font leur fête, et qu'ils ont été interdits de faire leur fête d'une façon apparente, alors comment il pourrait être permis pour nous de les saluer dans notre religion? Il dit « Amma » et en plus le Qardawi, il a même mis dans sa fatwa que il faut plus les appeler Ahl-Zimma. Il faut maintenant changer le terme pour qu'on les appelle Al-Muwatinoun, c'est-à-dire les citoyens. On doit l'appeler des concitoyens, pas des Ahl-Zimma. Parce qu'il pense que lui, il a mieux compris le contexte actuel, le monde actuel. Il dit, nous, on a compris le monde, la réalité du monde dans lequel on vit, et donc on fait des fatwas par rapport au waqi', comme il dit. Tandis que les autres savants, ils vivent dans les livres, ils ne comprennent pas la réalité du monde, ils vivent dans les livres. Ça, c'est des choubouhat que ces gens-là utilisent. Parce que quand tu regardes la réalité, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de dire aux musulmans, soumettez-vous à la réalité du monde actuel. Ouais, c'est-à-dire quand il y a un texte qui est en contradiction avec qu'est-ce qui se passe actuellement, ben il faut soumettre le texte à qu'est-ce qui se passe, pour que le texte se plie à qu'est-ce qui se passe dans le monde. Alors que nous on dit non, c'est le contraire. S'il y a quelque chose qui se passe dans la réalité, dans le monde actuel, qui est en contradiction avec des textes de la révélation d'Allah, il faut changer le contexte actuel pour qu'il soit en accord avec la révélation. Mais il y a des gens comme ça, ils font le contraire. Et ça c'est des exemples de choubouhat. Après ça il dit que les savants ils vivent dans les livres, ils ne comprennent pas le monde, alors que c'est faux. C'est plutôt lui qui ne comprend pas la réalité du monde. Alors il dit, أما كلام أهل العلم المتواتر فقد سبق بعض ذلك ونحوه كثير في كتب التفسير والفقه والحديث مما يصعب جمعه خصوصا في تفسيرهم وشرحهم وتعليقهم على الأدلة الكثيرة في هذا الباب. Il dit qu'il y a des paroles qui sont rapportés, qui sont mutawatir, c'est-à-dire il y en a tellement, c'est difficile de les calculer. Et on en a mentionné quelques-unes, et il y en a d'autres dans les livres de tafsir et de fiqh et de hadith, hein, et elles sont mentionnées dans leurs explications et dans leurs tafsir, et ils mentionnent beaucoup de preuves à ces sujets-là. Après il dit « وَمِمَّا يُضَافُ تَأْكِيدًا لِمَا ذَكَرَهُ الْخَلَّالِ » في جمعه يضاف تأكيدا ما ذكره الخلال في جامعه قال باب في كراهة خروج المسلمين في أعياد المشركين إلى آخره فكيف بعد هذا يجوز أن نهنئ المشركين في أعيادهم الباطلة il dit que également Al-Khallal il a mentionné dans son Jami' un chapitre que c'est pas permis aux musulmans de sortir lorsqu'il y a des fêtes des mouchriquins, et il utilise le terme karaha, alors que le karaha pour ces imams ça veut dire l'interdiction, ça veut pas dire le macro comme aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire si c'est interdit de sortir quand il y a les fêtes des mouchriquins, alors comment on pourrait essayer de dire que c'est permis de fêter leurs fêtes qui sont fausses? Ou également Ibn Taymiyyah dans son livre Iqtida' Sirat al-Mustaqim, Mukhalafatu Ashab al-Jahim, c'est un livre qui a été dédié à ce sujet-là en particulier, le fait qu'on doit se distinguer et contredire les kuffars, les juifs et les chrétiens en particulier. Il dit ونقل الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه اتفاق الصحابة وسائر الفقهاء على ما جاء في شروط عمر أن أهل الذمة من أهل الكتاب وغيرهم لا يظهرون لا يظهرون أعيادهم، فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها فكيف يسوق للمسلمين فعلها؟ فإن فعل المسلم فإن فعل المسلم أشد من فعل الكافر. انتهى كلامه بمعنى شيخ الذكري. Les Sahaba sont tous d'accord, de même que les Fuqaha sont tous d'accord avec les conditions que Omar a établies pour les gens du Livre et les gens de Ahl-Zimma et les Kuffars parmi les autres Kuffars, que c'est pas permis pour eux d'exposer et de montrer leurs fêtes. Donc si les musulmans ont été d'accord pour les interdire et les empêcher de montrer leurs fêtes, alors comment ça pourrait être permis aux musulmans de la faire eux-mêmes et de participer à ces fêtes-là? C'est encore plus grave pour un musulman de fêter leur fête que c'est grave pour le kafir de le faire lui-même, parce que le kafir pour lui c'est déjà son kufr, c'est le pire péché. Donc ça c'est la fin de la citation. Après il dit « Wa qala tilmizuhu al-imam ibn al-qayyim rahimahullah fi ahkam ahl al-zimma fi siyaq kalamihi an a'yad al-mushrikin » وكما أنهم لا يجوز كما أنهم لا يجوز لهم إظهاره فلا يجوز للمسلمين ممالأتهم وممالاتهم عليه ولا مساعدتهم ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله وقد صرح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم. Cheikh Ibn al-Qayyim est cité ici dans son livre Ahkam al-Zimma, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, après qu'il mentionne les paroles au sujet de la fête, des fêtes des mouchriquins. Il dit comme ce n'est pas permis pour eux d'exposer ou de montrer leurs fêtes, ce n'est pas permis aux musulmans de les aider dans ces fêtes-là, puis de pencher vers eux, de leur montrer de la sympathie pour ces fêtes-là, et non plus c'est pas permis d'être présent avec eux dans leurs fêtes. Et ça c'est, il y a un accord entre tous les savants à ce sujet-là, et ça a été dit et expliqué explicitement par les fuqaha et les gens qui ont suivi les quatre madahib dans leurs livres. « Wa min kalam ahl al-ilm » ومن كلام أهل العلم في ذلك ما ذكره ما ذكره صاحب الدر المختار علاء الدين الحصكفي volume 6 page 754 والإعطاء باسم يعظمه المشركون يكفر أو يكفر. وثم ذكر نقلا عن أبي حفص الكبير في عدم جواز الأخذ والعطاء والإهداء والشراء باسم أيام المشركين، فإنه قد يوقع في الكفر بتعظيم هذا العيد. بمعنى Ça, c'est une terre à calabre. Donc, il mentionne que l'auteur du livre, Ad-Dar al-Mukhtar, c'est un livre de fiqh, il dit dans son livre que c'est pas permis de donner quelque chose au nom de qu'est-ce que les mouchriquines ont du respect pour. Et que ça peut même te rendre kafir. Ensuite, il rapporte les paroles de Abi Hafs al-Kabir, qui dit que c'est pas permis de prendre ou de donner ou de recevoir un cadeau ou d'acheter au nom des fêtes, des jours des fêtes des mouchriquines. Parce que ça peut te faire tomber dans le coffre, dans le fait que tu donnes un respect à ces jours-là. Ça, c'est grave, hein. Et وبمعناه ذكر في البحر الرائق أن من أهدى بيضة في أعياد المشركين تعظيما للعيد كفر بالله جل وعلا. T'as vu qu'est-ce qu'il a dit dans un des ulama, il a dit dans son livre Al-Bahr al-Ra'iq, le volume 8 à la page 55, il a dit: celui qui a donné aux mushrikin, aux kuffar, un œuf par respect pour la fête des kuffar, des mushrikin, il a rejeté la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Wa zakara sahib al-awn al-ma'bud an al-qadi Abi al-Mahasin al-Hasan ibn Mansur al-Hanafi an man ishtara fihi shay'an liman yakun yashtarihi lam yakun yashtarihi ya'inaha lam yakun yashtarihi fi ghayrihi aw ahda fihi hadiyatan fa in arada bidhalika ta'zim al-yawm kama yu'azzimuhu al-kafara faqad kafara. وإن أراد بالشراء والتنعم وإن أراد بالشراء التنعم والتنزه وفي الإهداء اتحاب جاريا على العادة لم يكن كفرا لكنه كان مكروه كراهة التشبه بالكفرة فحينئذ يتحرز عنه. Al-Qadi Abu al-Mahasin ibn Mansur al-Hanafi, il a dit que celui qui achète quelque chose qu'il n'achetait pas habituellement, ou bien qu'il donne un cadeau, hein, dans le but d'avoir un respect ou de montrer un certain respect pour ce jour-là, dans lequel les koufars célèbrent leur fête, hein, alors il a rejeté la foi, hein, kafara. Mais s'il l'a acheté juste parce qu'il voulait avoir quelque chose de bon, ou pour yani faire un cadeau à son voisin pour qu'il soit yani content et tout ça, comme il a l'habitude de le faire, dans ce cas-là, c'est pas kufr, mais c'est quelque chose de détestable, parce que ça tombe en même temps que ça fait cette fête-là, puis ça devient comme une sorte de ressemblance avec qu'est-ce que les koufars font, et donc il faut s'en écarter puis éviter ça. Wa naqala Sheikh al-Islam an Abd al-Malik ibn Habib an al-Imam Malik rahimahullah kariha wa harram al-akl min zaba'ih a'yad al-mushrikin min al-Nasara wa ghayrihim. Le Sheikh dit que l'Imam ibn Taymiyyah, il a mentionné selon Abd al-Malik ibn Habib que l'Imam Malik rahimahullah, il a interdit de manger les viandes que les mouchriquines parmi les juifs, parmi les chrétiens ont égorgé, ou les chrétiens, le jour de leur fête. C'est-à-dire, on a le droit dans l'islam de manger ce que les juifs et les chrétiens ont égorgé, sauf ce qu'ils ont égorgé pour leur fête. Si ça a été égorgé pour leur fête, l'imam Malik il l'a interdit. ونقل عن أبي القاسم النهي عن مشاركة المشركين في الركوب في السفن التي توصل إلى عيدهم أو أن يعانوا بأي أنواع المعونة أن يعاونوا بأي أنواع المعونة وأنه قول مالك انتهى مختصرا. Ça veut dire que l'imam, ça a été rapporté selon Ibn al-Qasim, que c'est interdit de même prendre le même bateau sur lequel les mouchriquins vont prendre, quand ils vont prendre un bateau pour aller à leur fête, mais t'as pas le droit de prendre le même bateau plus. si eux ils s'en vont à cette fête-là. Et que t'as pas le droit non plus de les aider d'aucune façon pour quelque chose qui a rapport avec leur fête. Et ça c'est la parole, la position de l'imam Malik. Ok. وذكر البيهقي في سننه بابا في النهي عن الدخول على أهل الذمة وغيرهم في أعيادهم وذكر آثارا سبقت الإشارة إليها. البيهقي il a rapporté dans son sunan un chapitre qui montre l'interdiction d'entrer chez les gens de Ahl al-Zimma, les chrétiens et les juifs, et d'autres parmi leurs, quand c'est leur jour de fête. Et il a mentionné plusieurs citations, dont on a mentionné plusieurs d'entre elles déjà. وذكر الحافظ ابن حجر حديث أنس المتقدم في الاكتفاء بعيدي الفطر والأضحى بعد أن ذكر أنه روي بإسناد صحيح قال واستنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم وبالغ الشيخ أبو حفص الكبير النسفي من الحنفية فقال من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله تعالى. Donc qu'est-ce qu'on a dit, ça a été mentionné par l'imam Hafiz ibn Hajar au sujet du hadith de Anas qu'on a mentionné tout à l'heure, qu'on doit se limiter aux deux fêtes de l'Aïd et de l'Adha et l'Fitr. Il dit que l'imam Ibn Hajar a dit qu'on a extrait comme jugement à propos, en se basant sur ce hadith-là, que c'est détestable hein, de se réjouir dans les fêtes, le jour des fêtes des mouchriquines, et de leur ressembler, et même qu'il dit que le cheikh Abu Hafs al-Kabir al-Nasafi parmi les ulama des Ahnaf, hein, il est allé jusqu'à dire que celui qui donne un œuf à quelqu'un, à un mushrik, hein, par respect pour le jour des kuffars lors de leur fête, il a rejeté la foi en Allah, parce qu'il a donné un œuf à un mushrik. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa dhakara al-Manawi fi Fayd al-Qadir حديث أنس ثم ذكر النهي عن تعظيم يوم عيد المشركين وأن من عظمه لليوم وأن من عظمه لليوم كفر وكلاما بمعناه وأن من ça doit être une erreur d'imprimerie. Il dit ici que c'est rapporté selon Al-Manawi dans son livre Fayd al-Qadir, on pourra aller vérifier après. En haut dans la bibliothèque, il dit c'est un hadith, après avoir mentionné un hadith, le hadith de Anas à propos des deux fêtes, ensuite il a mentionné l'interdiction de montrer un respect et d'honorer le jour de la fête des mouchriquins, et que celui qui montre un respect pour ce jour-là, il a mécru en l'islam, il a mécru en Allah. Et il a mentionné des paroles dans cette signification-là. Et ça, c'est la fin de la citation de Ibn Hajar. Après, il dit فبعد هذا كيف يجوز لمسلم القول بجواز تهنية الكفار في أعيادهم فضلا عن من ينتسب إلى العلم كالقرضاوي فماذا بعد الحق إلا الضلال. Il dit comment après ça, tout ce qu'on a mentionné, un musulman peut dire que c'est permis de souhaiter bonne fête aux kuffars dans leur fête, encore plus si c'est une personne qui prétend appartenir aux savants de l'islam, comme Al-Qardawi. Alors qu'est-ce qu'il y a après la vérité excepté l'égarement? Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Après il dit « Fahzar akhi al-muslim rahimakallah min du'at al-su'i wa al-dalal al-lazina hazzara minhum al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa annahum يكونون في آخر الزمان كما في حديث حذيفة في الصحيحين. Il dit donc, fais attention mon frère musulman aux gens qui appellent au mal et à l'égarement ceux que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis contre eux et qu'ils seront nombreux vers la fin des temps, comme c'est mentionné dans le hadith de Hudayfa dans الصحيحين. Après il dit وَعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أن دعاة الضلال يستدلون بأدلة يلبسون بشبه ولهذا أمرنا باعتزالهم لا لأجل أهل الحق في الرد عليهم ولكن حفظا على سلامة عامة المسلمين فالقلوب ضعيفة والشبهة خاطفة. Le Cheikh il dit, sache que Allah te fasse miséricorde, que les gens qui appellent à l'égarement, ils utilisent des arguments et des preuves qu'ils utilisent, c'est des choubouhats en fait. Et on a donc été ordonné de s'écarter de ces gens-là et de leurs choubouhats. C'est pas parce que les gens de la vérité sont incapables de les réfuter, mais c'est plutôt parce qu'on veut préserver, disons, la paix et la sécurité des musulmans, pas qu'ils s'égarent, parce que les cœurs sont faibles et les choubhas parfois elles viennent puis elles t'attrapent et elles t'égarent. ويجمل ما استدل به القرضاوي في فتواه بثلاثة أمور. On peut résumer les preuves qu'il a mentionnées pour justifier que c'est permis de souhaiter bonne fête aux mouchriquins et aux kuffars parmi les juifs et les chrétiens. On peut résumer ces arguments en trois points. La première, الأول استدلاله بعمومات وإجمالات لا يصح الاستدلال بعمومها ومجملها مع ما ورد من النصوص الخاصة وما يمنع هذا العموم والإجمال مما سبق الإشارة إليه من أدلة الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وكلام أهل العلم المتواتر من أهل التفسير والحديث والفقه بل هذه طريقة أهل البدع فهم الذين يعارضون النصوص الصريحة الخاصة بالأدلة العامة والمجملة كما روي ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وحذر منه فمن الأدلة العامة والمجملة التي استدل بها قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Donc le Cheikh dit parmi les exemples, c'est que lui, qu'est-ce qu'il fait? Al-Qardawi et ceux de sa catégorie, ils se basent sur des versets qui sont généraux et des choses qui sont générales, hein, et on n'a pas le droit d'utiliser ces généralités-là comme des preuves alors qu'il y a des textes qui sont spécifiques, qui ont été mentionnés pour interdire ces choses-là. Donc, s'il y a des textes qui ont été mentionnés et qui sont spécifiques dans le Coran et dans la Sunna pour interdire une chose en particulier, ben toi tu peux pas venir par la suite avec des textes généraux pour essayer de les rendre halal. Et c'est ça ce qu'il fait. Alors qu'on a pris déjà connaissance des preuves du Coran, de la Sunna, et des paroles des salaf, et des paroles des ulama, qui sont mentionnées en grand nombre parmi les savants de tafsir, et de hadith, et de fiqh, hein. Et en fait, ça fait partie de la voie des gens de bid'ah, d'utiliser toujours cette méthode, d'opposer les textes qui sont clairs et spécifiques en mentionnant des preuves qui sont générales, hein. Ça c'est la voix des gens de Bid'a qui mentionnent des choses générales pour rejeter ces choses-là, et ils mentionnent comme la preuve qu'il a mentionné Al-Qardaoui, c'était quoi? C'est le verset 7-8 dans Al-Mumtahana. Allah ne vous interdit pas d'être bon et juste envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de la religion et qui ne vous ont pas fait sortir de vos demeures. Il se base sur ce verset-là. Ça c'est un verset général qui nous incite à être bon et être juste avec les kuffars. Mais ça veut pas dire que tu as le droit de leur souhaiter joyeux Noël, bonne année et des trucs de ce genre. Tu vois, il y a des textes clairs qui ont été mentionnés pour interdire ça. Voilà quel est le mushkila. Qu'est-ce qui se passe? Le problème c'est quoi? C'est qu'il y en a par contre qui prennent ce verset-là puis qu'ils l'appliquent pour dire, ah mais ça veut dire que tu as le droit de dire joyeux Noël, bonne année, et de célébrer avec eux, puis de souhaiter bonne fête, de donner des cadeaux. Non, ah ben c'est ça. Donc c'est ça ce que le Cheikh il dit. فَجَعَلَ مِنْ ذَلِكَ تَهْنِيَةَ الْكُفَّارِ فِي أَعْيَادِهِمْ مَعَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ يَقُولُ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. قال الشوكاني رحمه الله فالآية تدل على النهي عن موالاة الكفار بوجه من الوجوه في فتح القدير. دقيقة من فضلك بارك الله فيكم. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أولياء يسيرون إليهم بالمودة دون المؤمنين. فكيف إذا أضيف ما سبقت الإشارة إليه؟ فكيف؟ donc qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que beaucoup de gens ils savent pas qu'est-ce que ça veut dire. وعليكم السلام ورحمة الله. الموالات qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de musulmans ils savent pas. Ça veut dire أهل non, ça, ça. Voilà que l'important c'est que parce qu'on est en train d'expliquer le verdict au sujet de la fête des mushrikin et des kuffar. Non, barakallahu fik. Non, la base, inshallah, la base. Jazakallahu khairan. Donc, le cheikh, al-muwalat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu aimes les mushrikin à cause de leur shirk. Et que tu aimes les kuffar à cause de leur kuffar. Et que tu es satisfait de leur religion, et que tu es satisfait de leurs fêtes et de leurs célébrations religieuses ou non religieuses. C'est-à-dire tu fêtes avec eux, tu es d'accord avec eux, et tu approuves leur mécréance. Ça, cette forme de wala là, elle te fait sortir de l'islam, parce que c'est une wala du cœur pour le kufr, pour le shirk. Mais sinon, si c'est une wala par les actions, alors que tu te désavoues de leur religion et de leur croyance, ça c'est pas kufr, ça te fait pas sortir de l'islam, mais c'est ton péché, du fait que tu t'allies avec eux et tu leur fais des choses qui montrent que t'es en faveur avec eux. Là il va faire le adhan, donc on doit arrêter inshallah pour l'instant, mais on va continuer après la prière de Maghrib inshallah pour terminer, bismillah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.